Retour des étudiants à leur école. Oui. Est-ce que la vidéo serait possible? C'est-à-dire, est-ce que pour suivre l'expérience, serait possible sur la collaboration étudiant-enfant. Tout à l'heure, il y a un enfant qui vient et qui me dit « Oh, il y a des garçons qui veulent que je travaille avec eux. » Alors, je vais voir ces garçons qui sont en train de blanchir un grand panneau et de le poncer. Et ils me disent, alors je leur ai dit, mais vous avez donc invité un garçon à venir travailler avec vous. J'étais très étonné, mais enthousiasmé par une initiative aussi heureuse. Et ils me disent oui pour penser. Alors il faudrait savoir si la collaboration a pu exister autrement. Précisément, enfin, essayer de dire ce que ça pouvait apporter, cette histoire-là, pour vous aussi, parce que pour eux, c'est évident, puisqu'il y avait un plaisir très, très, très extériorisé tout le temps. Et puis, il y avait avec vous, souvent, des petites conversations, c'est-à-dire qu'ils venaient vous voir, ils vous posaient une ou deux questions de caractère divers. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir maintenant, puisque eux, on les a interrogés, ce serait de savoir maintenant ce que ça peut vous apporter à vous, éventuellement, si toutefois ça apporte quelque chose. Comment ça fait regretter d'être à l'école? Oui, mais vous précisez ça. Vous savez, pourtant, ma propre enfance aussi. Je sais pas, mais je me sens déjà vachement naïve, mais je suis encore plus naïve maintenant. Ouais, j'ai plus peur de l'être, ça m'est complètement égal, je suis comme ça. Ouais. Ça te met à l'aise, finalement. Reprend la spontanéité de l'enfant. Moi, j'y crois pas. Je sais pas, on a nos désirs et nos pensées qui sont plus spécialement infantiles. Ce qu'il faudrait retrouver, c'est la même spontanéité que eux ont par rapport à eux-mêmes, et ça, mais par rapport à nous-mêmes. Il y a une mise en forme qui est fatalement différente. Le truc à eux, quoi. On va pas se mettre à bêtifier comme ça. Enfin, il faudrait retrouver cette espèce de truc qu'eux, ils arrivent à avoir par rapport à eux-mêmes, et nous, je sais pas, c'est un stade. Par rapport à ce qu'ils ont déjà acquis, est-ce que nous, on a acquis? Oui, on a quand même des acquis qu'on peut pas nier. Mais justement, ces acquis, on se demande dans quelle mesure ils sont pas plutôt limitatifs que... Je ne sais pas si on peut dénombrer la quantité d'acquis chez les mômes ou chez nous, mais il se trouve que quand on voit ce qu'ils font, il y a une plus grande liberté dans la forme, dans l'espace, dans les couleurs, que nous, on n'a peut-être pas parce qu'on a acquis des notions de modeler, de composition, ouais. De structure. Ouais, on arrivera à la donner le jour où on aura compris que ces trucs-là, c'est pas pour représenter vraiment un truc, mais c'est des valeurs poétiques en soi, il faut arriver à en faire ça. C'est des moyens de toucher, de toucher tout court, quoi. Enfin, je sais bien que je suis d'accord, mais si tu veux, c'est toujours le très vieux malentendu, que l'art c'est représenter la réalité, etc. C'est toujours le même vieux truc, et qui continue de nous peser sur la gueule, enfin moi je crois ça, vraiment. Mais non, mais c'est pas ça l'art, c'est faire ce que tu veux toi. Il faut que tu t'y mettes dedans, là, eux ils sont vachement contents, ils arrivent, ça les fait marrer de dessiner. D'accord, justement, parce que c'était toi aussi, t'es pareil. Oui, entièrement d'accord, mais lorsque tu regardes les dessins, lorsque tu compares tous leurs dessins, il y en a que tu trouves meilleurs que d'autres, et c'est ceux qui sont le mieux organisés, ne serait-ce que par rapport à eux-mêmes.